donc un peu les filles. Allez, on va arriver. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG. C'est la rentrée de votre émission pour une nouvelle saison 2025-2026. Et pour la première émission de la saison, je propose non pas un concert live comme il est d'habitude le premier mercredi de chaque mois, mais aujourd'hui une émission sur Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, leur amitié de 60 ans. Johnny et Eddie Mitchell, une fraternité indéfectible. L'histoire fascinante d'un lien hors du commun dans la chanson française, à la scène comme à la ville. Ensemble, ils feront 105 duos, de 1975 à 2017, sur scène et à la télévision. L'émission Johnny de A à Z vous fait revivre des extraits de vie et de chansons. À la fin des années 50, peu de temps avant que la jeune scène du rock'n'roll français explose et que Paris s'enflamme au rythme des guitares électriques, deux garçons se croisent dans le quartier de la Trinité. Jean-Philippe Smet, qui deviendra Johnny Hallyday, rencontre Claude Moine, bientôt connu sous le nom d'Eddie Mitchell. Tous deux partagent la même fascination pour le son venu d'Amérique, la même soif de liberté et ce goût immodéré pour la scène. Leur première rencontre s'inscrit dans l'effervescence d'un Paris où la jeunesse réinvente la nuit entre cave jazz, cinéma de quartier et premières scènes ouvertes. Très vite, une complicité naturelle s'installe, alimentée par leur humour, leur franc-parler et leur sens du spectacle. Ni rivaux, ni simples collègues, les deux artistes vont donc tisser une amitié hors norme, faite de fidélité, d'admiration mutuelle et de respect. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que nous allons passer ensemble une très bonne soirée. Oui. Well, Bob Street, Bob Street. Blues. Moi j'aimais tout ça, oui, passé pour un fou. Johnny Eddy lors des Sunday Rock en 1984 sur le titre « Mes 16 ans ». Nous allons à présent retrouver Johnny Eddy répondant aux questions de Frédéric Mitterrand dans l'émission « C'est votre vie » en 1994, des questions portant sur leur première rencontre ou leur rivalité. La bande de la Trinité ou la bande de Belleville, ça devait être très très fort, non? C'est comme ça que vous êtes connus? Nous, c'était plutôt le Golf Zoo, nous. Oui, mais enfin, bon, ça rôdait aussi du côté de la Trinité. Du côté de la Trinité. Ouais. Tu habitais à côté, d'ailleurs. Avec Longcris et voilà. Tout ça, oui. Le Golf de Rose, c'était Henri Leproux qui avait monté ça. Hein. C'était une... Henri Leproux, oui. C'était un truc extraordinaire. Ben, c'est-à-dire que c'était le seul endroit où, à l'époque, on pouvait avoir les premiers disques de rock'n'roll. Et c'était une musique qui n'était pas toute très connue en France à cette époque-là. On était comme ça un groupe. Et c'est le seul endroit qui était ouvert le samedi et le dimanche. Pourquoi ça s'appelait le Golf Draw? Il y avait un mini-golf, là? Parce que avant qu'on sévisse là-dedans et qu'il se passe des choses dont on ne parlera pas ce soir... Hein, oui, oui. Non, je veux dire, avant, c'était un réel mini-golf avec un petit parcours. Et donc, des extraterrestres comme Johnny, moi et d'autres sont arrivés là-dedans et ont tout fait basculer, puisque bon, c'est vrai que la clientèle... n'était pas adolescente à l'époque. Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Johnny? La première fois? En tant que chanteur? Non, en tant que personne. Après, il n'était pas tout le temps chanteur? Non, parce que non, comme Johnny chantait réellement, je veux dire avant moi, quand je dis réellement, c'est-à-dire que Johnny chantait dans des cabarets, chantait dans des La première fois où vous êtes parlé? Ah, on s'est parlé, on s'est pas dit des choses très agréables, si je m'en souviens bien. Alors, c'est-à-dire que, oui, enfin, on se connaissait un peu au Globe Trou, mais on faisait pas partie de la même bande. Il y avait deux bandes, il y avait la bande des petits et la bande des plus grands. C'est-à-dire, les plus grands, c'est ceux qui avaient 6 mois de plus, quoi. Puis on s'est rencontrés un jour comme ça dans une boom. Et puis, moi, à l'époque, j'avais gaulé quelques disques de Bill Haley que j'aimais bien, et puis il s'en est aperçu, et ça s'est... Dean Vincent, ça s'est mal passé, je veux dire. Mais les Dean Vincent, non. Vous chantiez en français ou vous chantiez en américain au Golf Draw? En anglais. Lui, chantait en anglais, ben, déjà. J'étais obligé de chanter en anglais parce que je faisais les chansons d'Elvis Presley, mais toi, à cette époque-là. Et on commençait quand même à les traduire, déjà. Oui, mais moi, je chantais en yaourt. En yaourt. On vous perçoit comme étant des amis. Presque des frères, on vous associe. On a l'impression que vous avez une amitié qui est très très très très forte, très ancienne et très très forte et qui n'a pas eu de nuages. Est-ce que je me trompe? Ah, non, absolument pas. Surtout que c'est depuis le temps qu'on se connaît, on a grandi ensemble, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Et puis, c'est vrai qu'Eddie et moi, il y a une complicité que moi j'ai personnellement en ce qui me concerne, que je n'ai pas avec les autres que je fréquente. Moi, je fréquente très peu les gens du show business en général. Et c'est vrai que le seul ami qui fait partie du show business et de la chanson française, c'est Eddie. Est-ce qu'on a déjà essayé quelquefois de vous séparer, de créer des problèmes entre vous, ou jamais, ou vous êtes c'est bien plus oui, fort. On a fait des enfants différemment, mais non, c'est vrai que si non, au tout début, c'est au tout début, lorsque existait donc le groupe Les Chaussettes Noires et donc Johnny bien sûr, il y avait une on certaine on n'a jamais presse, été rivales, c'est ça que ouais, donc, la question non, est ça. Ils étaient embêtés parce qu'on s'entend, on s'est toujours bien entendu, donc ils étaient plutôt embêtés. Si un journaliste allait voir l'un ou l'autre pour entendre du mal, il était mal tombé. Quoi. Parmi les grands, quels étaient ceux qui avaient la préférence? Est-ce que c'était Gene Vincent? Est-ce que c'était Bill Haley? Est-ce que vous en aviez un que vous mettiez en tête? Pour Johnny, c'était Elvis, hein, c'était évident. Elvis et Cochrane. Cochrane, et moi, c'était Gene Vincent et Bill Haley, et pourtant, nous voilà ce soir. Avec son groupe Les Chaussettes Noires s'impose comme l'un des pionniers du rock français, June Hallyday devient rapidement la première idole des jeunes, cumulant tubes et concerts événements à un rythme effréné. Cependant, jamais leur trajectoire ne s'éloigne vraiment. À travers les décennies, ils se retrouvent sur les plateaux de télévision, partagent les routes de France et gravent même ensemble quelques titres mémorables. Leur amitié se nourrit de cette fraternité d'artistes qui ont connu les mêmes doutes, les mêmes triomphes et traversé ensemble les tempêtes de la célébrité. Ils partagent des passions communes, le cinéma, les belles voitures, le goût des grands espaces et un humour parfois ravageur. Jamais la gloire de l'un n'a éclipsé l'autre, bien au contraire. Chacun offre à l'autre un miroir bienveillant, une oreille attentive et un conseil amical. Et enfin, tout de suite, un chanteur qui, comme moi, a la passion du rock'n'roll et du country, Monsieur Eddie Mitchell, en personne. Il écoutait le disc jockey dans la voiture qui le traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio lui vantait un truc débile qui l'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Il vient vers toi, tu l'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Place du mort, un chien loup lui jetait un regard un peu fou sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Mmh. costume un peu élimé aux manches. Il a le droit de se taire et fumer en gardant ses menottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Les flics ont gagné, vers chez toi je ne fais que passer. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Le duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur la route de Memphis, c'était lors du numéro 1 Johnny Hallyday du 11 juin 1977. Johnny fait un nouveau taratata en 2007 pour promouvoir son dernier album Le Cœur d'un Homme. De nombreux amis sont invités, entre autres Philippe Labro, Laurent Gérard, David Hallyday et Eddie Mitchell. Johnny nous raconte un souvenir d'enfance et la réaction d'Eddie au texte de Que je t'aime. J'habitais rue de la Tour des Dames dans le Vieux. C'était qui la fille d'ailleurs là qu'on voit là? C'était une fiancée à toi. Non, pas du tout justement, c'était pas à moi. Et bon, il y a prescription depuis. Bon, d'accord. Et il venait chez moi, et je recevais toutes les partitions de Elvis Presley des États-Unis qui m'envoyaient les parents de Lee Hallyday qui m'a élevé. Puis j'avais ma tante, Madame Marr, qui m'éduquait. Et donc il venait chez moi le samedi, puis il regardait mes textes comme ça, bon. Je savais qu'il voulait lui aussi chanter. Et il y a ma tante qui disait, méfie-toi Jean-Philippe, méfie-toi, ce garçon-là, eh ben, il va prendre ta place, il va voler ta musique. Ce qui était très tendre parce qu'elle était tellement gentille, Madame Marr, j'ai une pensée pour elle. Drôle, hein. Je l'ai perdue malheureusement, c'est elle qui m'a élevé. Et protection. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. On appelait la dame au chapeau avec des fleurs dessus. Elle avait des cerises sur le petit chapeau. Quand on a préparé cette émission, tu m'as dit un jour j'avais un texte dans la poche et je vais voir Eddie, je lui montre le texte. Ouais, non, ça s'est passé au bar Romain. Au bar, à côté de la Pierre, il y avait toujours on allait manger un steak tartare, ça s'appelle le bar Romain, donc on se retrouvait là. À l'époque, à l'époque, le samedi et dimanche, on faisait deux matinées, une soirée, on faisait trois spectacles par jour. Donc entre-temps, on allait manger notre steak tartare au bar Romain. Et un jour, je lui sors le texte, on lui dit, oh, tiens, c'est une nouvelle chanson que je vais enregistrer, il regarde. Et il me dit, bah dis-le. Non, ben je dis simplement, non, parce que bon, maintenant la chanson, on la connaît, c'est un succès énorme. Mais quand on t'amène uniquement le texte. Alors je lisais, puis Johnny me regardait, il attendait. Je dis, mais attends. Quand ton corps sur mon corps, lourd comme un cheval mort, je dis, c'est que ça sent. Ça doit sentir très mauvais chez toi. Ça doit sentir très mauvais. Tu peux pas chanter un truc pareil. Ah bon, bien sûr, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Donc c'est justement une lecture. Là, tu as peur quand tu lis un truc pareil quand même. Si tu vas pas chanter ça, tu fais attention quand même. Ça t'a pas arrêté, au contraire, évidemment. J'ai eu des doutes. Alors, on va faire. Enfin, je l'ai fait quand même. Et ça a été le succès qu'on connaît. Parallèlement, tu m'étonnes. Et enfin, quand je chante des fois sur scène. Tu penses à Eddie? Non. Parce que, non, je pense toujours à Eddie. Je vois des fois des mômes de 8 ans devant. Dans les premiers rangs, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de leur raconter, là? Je suis gêné. Ah, ça, c'est ton côté papa qui revient, évidemment. Tu dis, je peux pas forcément dire ça. Alors, il y a des paroles que j'ai notées, et vous savez que j'ai une âme, d'animateur de jeu. Donc, et qu'il est très important de ne pas oublier les paroles, puisque vous en parliez tout à l'heure pendant la chanson. Donc, Patrick, tu peux jouer, tu peux les aider. Je vais vous citer des textes. Il va juste falloir me dire, si c'est toi, Eddie, qui l'a chanté, ou si c'est toi, Johnny, qui l'a chanté. Par exemple, je te préviens, ça va salement bouger, tu vas confondre le nord ou le sud, tu vas prendre de l'altitude. Eddie. Johnny. Johnny, qu'est-ce que tu dis, toi? Je dis Eddie. C'est toi, Johnny. C'est quoi cette chanson? C'est toi. Cette chanson. Ça s'appelle Je vais te secouer. Ah. C'est avec le cheval, quoi, c'est pareil. Ça. Je vais te secouer. J'étais venu ici pour réparer votre télévision et je me retrouve au lit sur un volcan en éruption. C'est moi, ça. Ouais, c'est Johnny. Allez, petite dernière. Y a-t-il une fille qui veuille m'aimer ce soir? Je suis seul. Et What is soul? Je suis seul. Désespéré. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday étaient des légendes, sont toujours des légendes. Merci. Je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais oui que passer. Prêt à m'offrir sa première ou sa dernière chemise et assurément quelque part une terre promise. Je suis chez moi là où on m'aime. Je suis un étranger. De trois entrailles, de fil en ville, je finirai bien par trouver un pays vivant en dehors du temps, très loin des planètes grises. Il y a sûrement quelque part une terre promise. Et j'ai chanté plus de chansons que vous en avez écoutées. Et dans ces jardins aux mille parfums, toutes les fleurs me disent: viens, rejoins-nous à présent dans la terre promise. Oh oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Et dans ces jardins aux mille parfums, toutes les fleurs me disent: rejoins-nous à présent dans la terre promise. Hey. Oh oui, la terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. La terre promise n'est pas toujours là où l'on provient à la trouver. Il y a sûrement quelque part une terre promise. La terre promise, une terre promise dans l'émission Johnny et l'enfant. C'était le 24 décembre 1976 sur TF1. On va y retrouver les deux. Même un trio. Super. Un quatuor, carrément. Johnny, Sardou, Sheila. Eddie Mitchell. C'était lors du numéro 1 de Michel Sardou le 1er juillet 1978. Et là, c'est quoi là? C'est le blues là? On regarde les vieux qui mettent leurs lunettes. On voit rien. Toute la musique que j'aime. Ça, c'est le blues. Ouais. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. C'est vrai. Pour exprimer ce qu'est le blues. Yeah. Mm-hmm. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Même avec les lumières, oui. Alors. Et tout ça, voyez-vous, eh bien, ça devient du blues. C'est comme je vous le dis. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Yeah. Il y a longtemps sur des guitares, tes mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ah oui. Tant que vivra. Je t'aime. Crie pas si fort, attends, fais pas. Et que j'ai mal à en crever. Ça, ou ça aussi. Je pleure, mais je chante quand même. Non. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique. musique que j'aime. Les mots ne sont jamais les mêmes, jamais, jamais les mêmes, pour exprimer ce qu'est le blues. Orchestre, un, deux, non, orchestre, instrumental et un, deux, on change de cavalière, mesdames les trois cloches, merci. Mesdames et messieurs, monsieur Hallyday, monsieur Sardou et moi-même ont eu le plaisir de vous interpréter les trois cloches. En attendant, madame Sheila va nous faire quelques notes de son secret. Jeanne Maman. J'ai mes joies, j'ai mes peines. Oh yeah. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Il lit ses paroles. Et je le chanterai, oui, toujours. Oh, ouais. Il y a fort longtemps, ça, je parle de ça il y a très longtemps, sur des guitares, des mains noires, voyez-vous, lui donnait le jeu. Oh, yeah. On chante les peines de l'espoir. Pour chanter Dieu. Et puis la mure, la mure, la mure, la mure. Le bleu, ça veut dire que je l'aime. Mais que j'ai mal. Mais je chante, quand même, voyez-vous. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Toujours le même texte dans cette chanson. Pour exprimer ce qu'elle lui. Il a le blues, il l'a, c'est lui qui l'a. Toute la musique qu'il aime. Toute la musique qu'il aime. Il l'a dans la peau, dans la peau, dans le dos. Dans la peau, il l'a dans la peau, il l'a dans la peau. Et puis il va chanter la fille du soir. La fille du soir. La fille du soir. Du Spark qui croyait l'avoir perdu, cette chose, mais qu'il l'avait retrouvée et qu'il va maintenant la chanter. La fille du Spark, chanteuse qui a quitté chez lui. Non, non, la fille du score, on l'aura peut-être un autre jour. Bienvenue toujours dans l'émission Johnny 2 à Z, la première émission de la saison 2025-2026. Et ce soir, on parle de l'amitié qui unissait Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Des vies parallèles, un même esprit rock'n'roll. Longtemps, le public a aimé les imaginer inséparables, les voyant partager des vacances, des fous rires, des scènes de la vie quotidienne à travers les pages des magazines ou sur les écrans. Leur camaraderie, pourtant, n'a rien d'artificiel. Elle s'enracine dans une profonde estime forgée par 60 ans de confidences, d'aventures rocambolesques et de souvenirs impérissables. Leur fidélité s'exprime aussi dans le respect de leurs différences. Eddie Mitchell, amateur de jazz et de cinéma américain, cultive une réserve élégante et une ironie tendre, là où Johnny Hallyday, éternel rebelle, embrasse la vie à bras le corps, habité par une énergie brute et une quête d'absolu. Leur complicité se manifeste dans les détails du quotidien, dans les coups de fil à l'aube ou les messages spontanés, mais aussi sur scène où l'un sait d'un simple regard comprendre l'autre. On va les retrouver dans une émission du Formule 1 plus 1 du 21 mai 1982. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell en duo sur le titre « J'ai oublié de vivre ». À force de briser dans mes mains des guitares, scène violente sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps, à force de laisser la sueur brûler mes yeux. De crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le temps.

bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Johnny Eddy Mitchell dans l'émission Jeudi Bravo 82, c'était le 31 décembre 1982. Et avec ce titre que Eddy Mitchell avait écrit pour Johnny Hallyday, du moins, adaptation des paroles du Nine Inch Nails, Earth, Sweden, Alabama, carte postale d'Alabama. On va retrouver tout de suite Johnny Eddy Mitchell sur la scène du Festival du Printemps de Bourges, le 1er et le 2 avril 1985, le temps de 5 chansons. Et c'était un extrait au JT d'Antenne 2 du 3 avril 1985. Nous allons maintenant nous transporter à Bourges, car c'est le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges, c'est un petit peu comme le Festival d'Avignon, mais de la chanson. Notre spécialiste chanson, Jean-Jacques Dufour, s'est rendu là-bas pour essayer de suivre avec les fans des vieux rockers deux messieurs qui s'appellent Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. Printemps de Bourges. Hier à Bourges, c'était comme au bon vieux temps du rock'n'roll. Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, l'idole des jeunes des années 60, toujours fidèle à la musique qu'il aime, retrouvait son copain Eddy pour un co-récital. Exercice de style qu'il n'avait pratiqué qu'une fois en Belgique et il y a 20 ans. Vous avez fait une carrière parallèle et longue tous les deux, non? Oui, c'est on est encore là pour un moment, vous avez l'air de me dire que... Non, c'est pas du tout ce que je voulais insinuer. Non, Johnny et moi, on va pas... Non, on se connaît depuis qu'on est tout petit et ça veut dire bien des choses. En ce temps-là, Eddy Mitchell, garçon de course au Crédit Lyonnais, était le leader des Chaussettes Noires. Pardon, comme ça. Vous êtes content de jouer tous les deux? Ah oui, c'est le meilleur moment de la soirée. Là pour ça, et à propos de chansons, j'ai demandé à Johnny ce qu'il aimait dans le répertoire d'Eddy. Parmi mes chansons préférées, Couleur Montalo. Et vous? Bah moi j'en aime beaucoup plus que ça, mais je crois que surtout c'est ce qui nous prépare, Johnny. Intéressant. Vous allez chanter quatre chansons là ensemble? Qui sait? Ils chanteront effectivement quatre chansons, mais après que Johnny Hallyday ait proposé un peu d'eau à Eddy. Damned, semble dire ce dernier, faites voir à quoi ça ressemble. Après avoir bu, ils ont donc pu éliminer avec Give Up a Lula. Signe des temps, du temps qui passe, ce co-récital exceptionnel n'a pas réuni plus de monde que le concert du seul Michel Zonas, dont le dernier album, Uni vers l'Uni, aurait pu servir à légender l'image de fin de ce spectacle. Un spectacle qui aura réjoui les amateurs de rock et les yéyés reconvertis en père de famille et qui permit à Eddy Mitchell de faire une parodie de son vieux copain. Parler, elle a kiffé sa vie, même les plus petits.

Johnny Eddy Mitchell lors d'une Formule 1 plus 1 de Johnny Eddy le 14 mai 1982. Nous allons faire un petit saut dans le temps en 1989 et c'était le 4 novembre 1989, le top 50 de Canal+, présenté par Marc Toesca, fêtait ses 5 ans avec en guest Johnny Eddy, Eddy Mitchell et Michel Sardou à deux jours de la première de la tournée des Enfoirés. Mais l'œuvre de Coluche continue puisqu'à partir du 6 novembre, avec Europe 1 et Canal+, la tournée des Enfoirés avec trois des Enfoirés, il manque Jean-Jacques Goldman et Véronique Sanson qui devrait arriver incessamment sous pneu. Non mais je ne vais pas vous faire Jean-Jacques n'a pas été payé ce soir, il n'est pas payé. Non, il a dit non. Est-ce vrai? Il a dit qu'il travaillait ce soir et que donc vous, pendant que vous allez vous amuser, lui il va travailler. C'est vrai, Johnny Hallyday? Quoi? Goldman a dit qu'il travaillait ce soir et donc qu'il ne pouvait pas venir parce que vous précisément vous allez vous amuser ce soir. Je vais m'amuser où? Chez j'en vous? J'en sais rien, mais non. Vous faites votre vie, monsieur Johnny Hallyday. Non, mais moi, je m'amuse jamais, vous savez. Moi, je m'amuse que... Bon. Aux anniversaires. Voilà. Aux anniversaires des autres. Johnny, une question à propos de Coluche. Vous savez que les jeunes ne sont pas si cons que ça. Ouais. Il ne faut pas parler aux jeunes comme... Tu sais, toi... Bah, bah, bah, bah, bah. Il faut parler aux jeunes, normalement, comme on parle à tout le monde. Pourquoi tu ne dis pas aux jeunes? Je te dis, dis-tu, hein. Ouais, pourquoi tu ne dis pas aux jeunes? Tu sais, ça, au moins, c'est... Mais c'est marrant, quand même, parce que dans l'émission de jeunes, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que... Allez, c'est peps, ces trucs, c'est... Ah, mais j'ai les jamais jeunes... dit c'est peps de ma vie. Non, mais pas toi, ah, bon, mais en général. Ouais. Ça, c'est... Waouh, c'est... Mais les jeunes sont pas si cons que ça. Tu sais. Ouais. Les jeunes, il faut pas... C'est pas la peine de leur dire ça. Eh, c'est vrai, les jeunes? Oui. Ils sont venus nombreux. Ouais, mais quand... Non, mais il y a que des vieux, là. Ouais. Ouais, mais quand oh, tu disais... Eh, les copains... Johnny, les rapports avec Coluche, vous parliez de quoi? Harley Davidson, Cadillac, Gonzesse? Non, mes rapports avec Coluche étaient très normaux. C'était normaux, il m'appelait le mythe ouais. vivant. On t'appelle aussi l'idole. Ouais, bon, enfin ça, bon, ça c'est pas à moi. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Non, mais enfin, tu m'excuseras, mon cher Eddy. Non, mes rapports avec Coluche, c'est autre chose. C'est un enfoiré. Que j'aimais tout simplement beaucoup, c'est tout, quoi. Mm. Et qui avait beaucoup de talent, et puis voilà. Et qui savait faire son métier, c'était un pro. C'était ouais. vraiment un pro. Et puis bon, moi, je suis ravi de faire cette tournée parce que. Bah, parce qu'il a fait quelque chose de bien, et je crois que nous tous, on a envie de le continuer. Mm. Juste une question très personnelle, Johnny. Tu as fait un album avec Michel Berger, un album avec Goldman, le dernier avec Étienne Rodagil. Ouais. Et on raconte dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que tu aimerais bien faire le prochain avec Dave Stewart de Rhythmix. C'est vrai? C'est pas impossible. C'est pas impossible? Oui. J'ai envie de refaire un album un peu plus rock'n'roll. Ouais. Mais j'ai pas dit que les autres n'ont pas fait des chansons dans l'album rock'n'roll, mais j'ai envie de faire un album complètement rock'n'roll, oui. Mm. Et bon, comme il me l'a proposé, que je l'aime beaucoup, oui, éventuellement, oui. Ouais. Ça va pas être trop dur la tournée des Enfoirés avec ces deux Enfoirés entre les autres? Non, mais j'irai les coucher. Mon cher Michel. Non, c'est rien, c'est Robert Larsen. J'irai les coucher, moi, pas de problème. Tu vas les coucher. Eddy Mitchell qui rentre de Londres, il nous a concocté là-bas un disque. Un album, oui. Ouais. C'est beau Londres. Rock'n'roll aussi. Rock'n'roll, ouais, justement, ouais, vachement rock'n'roll, ouais. Je sais pas, moi j'ai rien vu, j'étais en studio. Ouais. Ouais. Ça veut dire que la période cowboy d'Eddy Mitchell, Memphis, Tennessee, tout ça, c'est terminé, Eddy Mitchell? Non, c'est une question de. Mais pourquoi non? Oh, c'est encore jeune. Ah, il est désolé. Mais non, c'est pas genre, allez les mecs, il faut choisir. Il fait pas du country, il fait du country de temps en temps quand c'est beau, il fait du rock and roll. Mais il faut arrêter les conneries là. Mais pourquoi? Mais non! Interview Eddy, pas moi. Allez. Ouais. Allez. C'est des conneries, Eddy? Demande-lui comment était le monde. Oui. Non, pardon. Non, ce que je veux dire, non, c'est une question de producteur. Bon, ouais. Le producteur est anglais, donc ça s'est passé à Londres, mais ouais. Je sais pas, une chanson, elle adopte aussi le style, je veux dire, qu'on lui donne sur ouais. place. Ouais, Johnny, excuse-moi de poser une question encore con, ouais. Mais enfin, Eddy Mitchell, non, attends, c'est quand même une seule chose, c'est toute cette période-là, oui, on oui, a oui, adoré oui. La route de Memphis. Excuse-moi de poser des questions idiotes. Hein. Non, mais il y a aussi Londres aussi. Tu sais ce que j'aimerais que tu nous poses comme question? Ouais, vas-y. Est-ce que vous aimez la musique que vous faites? Alors je te la pose, tiens. Eh ben moi j'aime la mienne, ouais. J'aime la j'adore tienne. La mienne. Oui, moi aussi, monsieur. Moi aussi. Voilà, alors, donc on est content. Franchement, heureusement, ouais. Sinon vous ne feriez pas ça, non? Ben à mon avis, je ferais les Restos du Cœur. Ouais, par exemple, ouais. C'est à partir de lundi, donc 6 décembre, les Restos du Cœur, grande tournée avec Jean-Jacques Goldman, Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Michel Sardou et Eddie Mitchell. Et leur rythme. Et leur rythme. Et leurs ensembles. Et leurs ensembles. Et leurs attractions. Et les duos. Non, et puis il y a tout. Attends, il faut aussi dire, on peut pas dire parce qu'ils sont trop nombreux, mais il y a toute l'équipe aussi qui travaille aussi avec nous gratuitement. Ok, merci bien. Et à lundi sur scène. Salut. Au revoir. Au revoir. Attendez, je suis complètement paumé là. Tu vas comme d'habitude. Alors, tu vas encore dire des conneries. J'ai changé mais non, dis plus contre licence 4. Attends, normalement, il y a un truc là. Ouais, le truc, ce n'est pas la tournée des enfoirés, mais c'est le duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell au Parc des Princes en 1993. Johnny y fêtait ses 50 ans et ne pouvait pas fêter ses 50 ans sans son ami Eddie Mitchell. Voici Excuse mon partenaire de l'émission Johnny de A à Z. Excuse-moi, partenaire, oui, de venir à toi, mais c'est celle que j'aime qui danse entre tes bras. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid, mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oh, suivi. Excuse-moi, partner, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partner, de te parler comme ça, mais ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pense pas à tout ça. We'll be right back. écoutez RIG et l'émission Johnny de la Z qui fait sa rentrée ce mercredi 3 septembre sur l'antenne de RIG bien entendu. Et aujourd'hui on rend hommage à l'amitié que partageait John Hallyday et Eddie Mitchell avec une émission de 2 heures sinon plus sur cette fameuse amitié. On retrouve les deux compères le vendredi 12 novembre 1999 chez Jean-Pierre Foucault qui propose sur TF1 une spéciale 100% Johnny suivie par plus de 7 millions de spectateurs. L'idole chante quelques titres, se livre aussi à des duos, dont un avec son ami Eddie sur le titre Couleur Mentalou. Alors, un petit peu de vérité, Johnny, parce que j'ai demandé à Eddie d'essayer de te définir à travers 3 mots, hein, un petit exercice auquel on s'est livré. Le premier, c'est battant. Ah, bah oui, c'est. Bah, c'est évident. Ouais, pas besoin d'explication. On serait trop court ou trop long. Je veux dire, ouais. Bon, bah, Johnny est un battant, tout le monde le sait, et c'est une de ses grandes qualités. Non. Ouais, oui, c'est vrai. Si. Oui ou non, Johnny? Dis oui. Tu hésites là. J'essaye. Charmeur. Charmeur, pas ça. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes là. Yeah. Alors, le troisième mot m'a un petit peu interpellé. Tu dis embrouilleur. Oui, mais ça, parce que c'est son côté quand j'ai embrouilleur. Ça va aussi avec battant et charme. C'est-à-dire que s'il peut aussi mettre un petit grain de, disons... Fantaisie. Oui, non, fantaisie qui viendra de l'épice et qui peut vous déstabiliser. Ça, l'embrouille, il sait bien le faire. C'est vrai, là, dis-moi, Johnny. Parce que toi, pas, peut-être. Hein. Ah, voilà. Non, mais moi, attention, moi, c'est ton monsieur émission. Eddie, enfin. Enfin, monsieur Eddie. Monsieur Johnny, un mot quand même sur l'album d'Eddie, hein, puisque... Bah, écoute, cet album est absolument formidable. Enfin, moi, ça me rappelle, en plus, plein de souvenirs, parce que il a eu la chance d'aller dans des endroits mythiques où, moi, j'aurais bien aimé aller aussi. Il a été à Los Angeles, à Capitol. Ah. C'est quand même un endroit formidable. Sinatra y a chanté. Gene Vincent, c'était le maison de disque de Gene Vincent. Et puis, il a, bien sûr, bon, ensuite, il a fait Memphis. Et quoi d'autre? New Orleans. Et Nouvelle-Orléans. Alors là où on mange Cajun, oh, c'est super. Ah, ouais. Il n'est peut-être pas allé que pour ça. Non, je pense quand même qu'il y a été surtout pour travailler, parce que quand on écoute l'album, on se rend compte quand même qu'il a passé beaucoup d'heures en studio. Avant de continuer cette conversation, ouais. Cher Eddie, je vais vous demander tous les deux de regarder quelques images qui, en principe, vous concernent, bien entendu, devraient vous rappeler quelques bons souvenirs. Regardez bien attentivement. Pour une fois, les flics ont gagné, mais chez toi, je ne fais que passer sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. C'est vrai que c'est un vrai bonheur que de chanter tous les deux. Ah ben, je suis toujours... comment dire? Je suis toujours non seulement ravi, je veux pas en faire des tonnes, d'autant plus que mon pâté là. Non, je suis toujours ému de chanter avec Johnny, parce que... Non, et puis on est surtout la même... Notre musique fait partie de la même famille, quoi. Eddie, une anecdote assez étonnante, assez surprenante concernant Johnny, et qui va bien cerner le personnage. Tu t'en souviens, c'était un jour avant d'entrer en scène... Ah oui, oui, et c'est une... bah, je sais pas si ça s'en souvient. Hein? Non, parce que j'ai non, non, non, parce que non, je veux dire, c'est dans le genre, bon, un petit peu comme cela, quand on, il nous arrive de chanter ensemble à l'issue d'un spectacle. Je me souviens qu'il y a, lorsque j'ai fait ce que tu vas faire très prochainement et brillamment, c'est-à-dire l'Olympia, je me souviens que une dernière fois, une des dernières fois où j'ai fait l'Olympia, il y a 4 ou 5 ans, tu es venu à la dernière chanter avec moi. Bon, bon, très bien, on a l'habitude. Ouais, ouais. Mais tu avais décidé, quand tu étais tu avais décidé d'entrer en scène pour, bon, à la fin du spectacle, avec des lunettes noires. Et normalement, tu en as toujours sur toi, tu ne les avais pas. Et il y a un pompier de service, comme ça arrive toujours dans les coulisses, qui est un admirateur de Johnny Hallyday, ce que je comprends, et qui arrive vers toi et qui te dit « Monsieur, voici mes Ray-Ban. » Tu les prends, tu fais « Merci, hop !» Et tu montes sur scène, tu prends les lunettes, hop, et tu les jettes au public. Ça veut dire que il a mangé son casque pendant longtemps. C'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude d'envoyer mes lunettes dans la salle. Elle était maquillée comme une star de cinéma, à coups de jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout de scène à la Century Fox. Frôlant le flipper, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle m'y met semblait brise son cœur. Perdu dans sa mégalo, moi je suis le trop. Le 5 octobre 1999, c'est la nuit Hallyday sur M6, dont un fréquent star inédit sur Johnny Hallyday. Et Eddie Mitchell répond à quelques questions de Laurent Boyer. Dans l'intimité, tu l'appelles comment ? Non, mais le côté Jojo, c'est pas... C'est... Moi, j'ai jamais aimé, quoi. Il y a un côté Jojo Nana, enfin tout ça, quoi. Ça fait un peu... routier, mais sans essence, quoi. Ça fait pas terrible. Johnny, pour toi, c'est un homme simple ou un homme compliqué ? Bah, il est comme beaucoup d'artistes. Il est compliqué dans la mesure où... Où il est toujours sur le comment dire le qui-vive et puis aussi toujours dans la peur de bien faire ou de réussir et c'est pour ça enfin comme beaucoup d'artistes mais lui quand même on peut dire qu'il a le pompon dans le genre je prends des risques j'en connais pas de plus fort que lui quand même donc il est pas simple c'est impossible d'être simple je veux dire parce que sinon bon c'est pas un scoop je veux dire arriver à son âge quand même hein et faire des trucs pareils quand même. Hein, c'est pas raisonnable tout ça. Il y a qu'à demander à son producteur Jean-Claude Camus quand il décide un truc. Il est têtu, mais finalement il arrive à ses fins. Il se casse rarement la gueule, c'est même hyper rare. Et ça donne toujours, je veux dire, beaucoup de plaisir à son public. Donc ça, c'est un point fort évident. Et parce qu'il essaie toujours de se surpasser, de faire toujours plus fort. Je vais pas faire, je veux dire, du nationalisme. Je dirais il y a peu d'artistes au monde même qui ont cette force. Enfin, il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je veux dire, parce que, bon, les Américains, on dit, ils font des stades, ils font des choses comme ça, très bien. Mais quand vous leur dites qu'un petit pays comme la France, un mec vous fait plus de 200 000 personnes en 3 jours, ça les met par terre. On retrouve les amis de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell à Genève. C'était le 26 avril 2007. Lors du long Jambalaya Tour. Il y a un ami qui vous est cher et qui compte énormément dans mon cœur et dans ma vie. On se considère comme des frères. On a bien raison. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami de toujours. Son Jean-Philippe Anou. Monsieur Johnny Hallyday. Ça fait plaisir de vous retrouver. L'hôpital Jeannin me disait que le rock and roll était mort. Michel Giraï, pas de France. Certains disent que le King Viego dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Quand tu t'en sous terre, ce serait trop dur. À consommer toute traite sur commande. Les mythes nous rangent, mais tiennent bon. Grâce à nos marchands d'illusions. À toi, Eddie. Les hommes politiques l'ont bien compris. t'occupe de rien. En 2006, Johnny participe sur deux titres du nouvel album d'Eddie Mitchell, Jambalaya. On veut des légendes et elle est terrible. Eddie Mitchell est l'invité de Patrick Simonin sur TV5 Monde. Si on parlait de Johnny, il y a quand même une histoire avec Johnny sur cet enregistrement. Parce que s'il y a ce duo extraordinaire, On veut des légendes, ça s'est pratiquement passé par hasard. Bah non, oui, par hasard et par, comment dire, par le fait que Johnny a déclenché la chose. Parce que Johnny cherchait pour son spectacle, donc qui est toujours en sur les routes, pour sa tournée, il cherchait 2-3 chansons originales, mais bon, il s'y prend, enfin, ce qui me concerne, jamais en temps et en heure, et il m'appelle et je dis, écoute, moi, je suis en train de travailler pour mon album, par contre, j'ai écrit une chanson qui peut vraiment t'aller très bien, te coller, mais moi, je l'enregistrerai après, si tu veux la faire sur scène, tu l'as fait, et je lui fais écouter, il me dit, non, c'est lui qui a provoqué la chose, donc... Non, ce serait mieux que si on la faisait tous les deux. Si on c'est incroyable, parce que jamais vous aviez fait ça en disque encore. Non, mais je dis bien, c'est le hasard. Et le hasard, le bon Dieu qui était avec nous, c'est que Johnny répétait donc à Los Angeles avec ses musiciens dans un studio qui était proche de celui où moi j'enregistrais. Donc c'était très très facile de réaliser le duo. Et ça enchaînait également le trio avec Little Richard, ouais, qui devait faire un duo avec moi, et que j'ai transformé en trio, puisque Johnny était là. On va en reparler, mais d'abord des images avec Johnny. On veut des légendes, en voici deux, regardez. L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort. De Francfort. Certains disent que le King vit et dort dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ce serait trop dur. Ça fait 38 ans que Eddie et moi on doit faire un truc comme ça. Ça fait moi 35 que je m'entends. Eddie Barclay, c'était son rêve, ouais, c'était de nous faire chanter ensemble. Je sais. consommer toute fracture commande. Le mythe orange se tient devant. Grâce à nos marchands. Image extraordinaire de l'amitié, hein. Absolument, mais ouais. c'est enfin. Ouais, je suis ravi, non, parce que c'est nous deux, quoi. Ça fait partie de notre vie, c'est comme ça. Parce qu'en plus d'être émouvant, cette chanson-là, elle dit vraiment, c'est ça. On veut des légendes sur commande. Parce qu'on a besoin de rêver. On a envie, parce que vous avez. Qui que l'on soit. Hein. C'est ça que ça veut dire. Qui que l'on soit. Parce que vous tous les deux, avec Johnny, c'est fait une amitié de combien de temps? La première fois où vous vous êtes rencontrés? Je vais pas donner de date. Moi je suis l'aîné, il avait 15 ans, j'en avais 16, donc voilà. Ouais. Donc ça remonte quand même. C'est les légendes d'Eddie et les légendes de Johnny, c'était qui à l'époque? Vous n'avez pas les mêmes? C'était très proche. Johnny était au niveau rock'n'roll, c'était Presley. Mais ça, c'est le fait peut-être que lui a un an de plus. Moi, c'était Bill Haley parce que Bill Haley était arrivé avant, mais j'aimais beaucoup Presley quand même. Et au niveau cinéma, moi j'étais. Très branché Burt Lancaster, lui c'était James Dean, mais de toute manière c'était le même monde, quoi, ouais. Tout cela. Ouais. Les relèvent des légendes parce que c'est ces légendes-là, les gens qui vous ont donné envie finalement de faire tout ça aussi. Absolument, c'est vrai, et donc, d'où le bonheur, quand je vous disais tout à l'heure Little Richard, c'est que Johnny a eu cette phrase magnifique en studio quand, bon, comme vous nous voyez là tous les deux en studio, bon, on a un t-shirt. Rasé, pas rasé, j'en sais rien. Enfin, surtout pas maquillé, préparé pour un spectacle ou autre. Et Sir Richard arrive, lui, par contre, c'est la star. Il est arrivé avec la perruque, avec la limousine, avec le complet. Et Johnny a dit, quand même, tu te rends compte, quand on avait 15 ans, si on nous avait dit qu'on allait chanter avec lui, on n'aurait pas cru, quoi. On aurait rigolé. Et c'est vrai. Oui, parce que d'avoir chanté aussi toutes ces légendes, parce que Little Richard, Eddie Cochran, évidemment, elle est terrible. Hein. Ouais, ouais. C'est quand même. Bon, ce qu'il y a de drôle, oui. C'est qu'elle est terrible, justement, quand on est tombé là-dessus pour faire ce trio. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que le texte, il est aussi naïf et aussi joli. Il passe aujourd'hui, parce que. Aujourd'hui, on peut très bien dire, t'as vu la gonzesse qui passe, quoi. C'est... Regarde un peu, celle qui vient, c'est la poubelle de tout le quartier. Là, c'est... Il y a une interprétation, là, genre. Il y a déjà de la composition. Ouais. Mais on peut très bien dire, regarde un peu celle qui vient. Ça va la faire Pierre Fresnay aussi. Tout le monde l'a pensé, ça. C'est-à-dire, tous les gamins d'aujourd'hui, ils peuvent le penser. Ah, oui, c'est là où on se dit quand même ça. Ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas, ouais. La bonne musique reste. Non, ça veut dire que les filles restent jolies, surtout. C'est ça aussi. C'est Eddie Cochran. Et donc, le trio avec Johnny et Little Richard sur cette chanson d'Eddie Cochran. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que Little Richard, il pousse ses petits cris. Il fait comment d'ailleurs, c'est ça? C'est vrai, il le fait très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, il est dans le chat. Vous avez dit, c'est la reine du rock, hein, vraiment. Oui, non, parce que il n'y a pas de. Bon, il n'y a pas de cachotterie de sa part. Je veux dire, bon, c'est un monsieur qui a 70, 72 ans, etc., je sais pas. Mais qui est dans un monde qui n'est pas virtuel, qui est le sien, qui est. Bon, ce monsieur se déplace en limousine avec garde du corps, avec attaché de presse, machin, tout ça dans la même bagnole. Il a la perruque, il a le maquillage, les bagues et tout. Même s'il va au supermarché, j'imagine que c'est pareil. Quoi. C'est le rock'n'roll. Mais c'est bien parce qu'il joue le jeu. Quoi. Ouais. C'était pas forcément les blousons noirs et la castagne. Ça pouvait être aussi cette élégance. Les paillettes. Hein c'est les paillettes aussi, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Hey, look at there, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. My dollar can't even afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car horsefly looking man, it's something else. Voiture, on la dirait vraiment faite pour moi, et il doit faire beau rouler avec ça. Mais quand je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser, cette voiture-là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Look at there, what's all of this? Never thought I'd do this before, but here I am knocking on her door. My car's out front, and it's all mine. A 41 old, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself, she's sure fine looking, man. She's something else. Oh! Elle est terrible avec Little Richard, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur l'album Jambalaya. Eddie Mitchell est l'invité de l'émission de ce soir, de cette émission de la rentrée de l'émission Julie de la Z ici sur RIG. Et le 21 décembre 2013, le grand show de Michel Drucker sur France 2 est consacré à Johnny Hallyday avec bien sûr l'incontournable Eddie Mitchell. Merci Eddie d'être là. Quand je vous vois chanter tous les deux là, c'est pas la première fois, je me dis quand même, les gamins de la Trinité... Comme à la maison quoi. Et les gamins que vous avez été, hein, vous vous êtes pas quittés finalement. Jamais. C'est non, fou. C'est vrai. C'est unique dans ce métier, hein, une vraie amitié et avec une passion commune pour la musique et la même musique. Est-ce que tu te rends compte quand même que j'ai connu Eddie, j'avais 15 ans. Non. 14. 14 ans. Moi j'avais 15 ans. Et tu étais déjà très sérieux. Tu fumais pas, tu buvais pas, tu étais sobre. Je ne fumais pas encore. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais il n'a pas changé. Eddie, quelle est la première image qui revient quand tu penses à cette période où vous étiez adolescent, vous êtes rencontrés du côté de la Trinité? Quelle est la première image? Wow. Il était comment? Il était timide, non? Oui, mais... avec, il est resté timide, d'ailleurs. Non, mais avec quand même le côté rocker, c'est-à-dire que... Il y avait déjà la guitare, il y avait déjà le plumet, il y avait déjà le petit blouson. Ouais. Et c'était sympa. Et toi, t'avais déjà et le. Lui, il avait les pattes d'éléphant. Ah oui, oui, c'est les vrai. Les grandes pattes d'œuf. Pattes d'œuf, oui. Alors, cette musique qui vient du blues que vous venez de chanter, d'ailleurs, vous l'avez chantée à Bercy, hein, pour ton anniversaire, j'étais là, ça figure dans cet album Band Rocker Tour que je t'offre. Merci. C'est magnifique, ça. On a de la chance, hein. Ça, c'est magnifique. C'est Noël. Et dedans, il y a même un supplément. Il y a le concert que tu as fait après vers minuit et demi, en plus. Oui, au Théâtre de Paris. T'étais... D'ailleurs, où Eddie va jouer, d'ailleurs. Oui, alors, justement, ouais. Au Théâtre de Paris, où tu as chanté vers minuit pour les copains, et Eddie, oui, il se lance dans une aventure incroyable, ouais. Un singe en hiver. Toi qui es un cinéphile complet, le film, tu le connais, Blondin, Verneuil, Belmondo, Gabin, il faut y aller sur scène pour le faire. Écoute, hein. Il ne s'est pas attaqué à ce qu'il y a de plus facile. Hein. Mais non. Non, non, je regrette pas. Non, j'ai mais peur. Ça va être un challenge. Du texte, il y en a. Alors, cela dit, quand tu as joué Tennessee au Édouard VII, tu t'attaquais à quelque chose d'assez costaud également, parce que tout le monde t'attendait au virage aussi, Johnny. Bon, on m'attend toujours au virage. Hein. Eddie aussi, d'ailleurs. Oui, mais à la sortie du virage, t'es toujours en tête. C'est ça le problème. Est-ce que, évidemment, vous allez me dire oui, parce que vous suivez votre carrière de loin et de près, est-ce que lorsqu'un album d'Eddie sort, est-ce que t'es un des premiers à l'écouter Et est-ce qu'il te demande ton avis, ce que t'en penses ? Il ne me demande pas mon avis, mais je suis un des premiers à l'écouter, oui. Alors tu connais donc l'album Héros. J'adore cet album. En 2014, la formation du trio Les Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc consacre l'une des plus belles pages de leur histoire commune. Ensemble, ils communiquent au public ce plaisir évident d'être réunis. Et les 6 concerts à Bercy sont de véritables rendez-vous avec la nostalgie, la fête et la transmission d'un certain esprit frondeur où l'amitié se lie dans chaque échange complice, chaque sourire, chaque anecdote partagée. Ces retrouvailles sur scène, saluées par la critique et le public, incarnent la quintessence de leur parcours. Johnny Hallyday parle du projet des Vieilles Canailles en mars 2014. On a toujours fait une bande à trois. Hein. Bon, toujours les trois potes depuis nos débuts. Hein. On ne s'est jamais quittés. Et c'est vrai, c'est une envie qu'on a envie de faire un petit peu à la Rat Pack. Ce ne sera pas des reprises du Rat Pack, c'est impossible. On ne va pas les chanter All the Way, comme Then Suit Me, etc. Mais non, on ira chanter J'aime les filles, que je t'aime, Rio Grande, des conneries comme ça. On veut faire ça un petit peu comme avec une mise en scène, avec des gags, des choses. Maintenant, ce sera peut-être en novembre ou peut-être plus tard, je sais pas. Et bien là, c'est extrait du concert à Bercy du 9 novembre 2014. Les Vieilles Canailles sur RIG. Et le titre Noir, c'est noir. Le noir, c'est noir. Il y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Et c'est fini. Oh, oh, oh, non. Ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au gris de l'ombre. Il n'est jamais trop tard pour moi du gris. Je n'en veux plus dans ma vie. Oh. Ça me rend fou de perdre ton amour. Je te l'avais dit. Noir, c'est noir. Il me reste l'espoir. Oui, puis c'est gris. De sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Le noir, c'est noir. Il nous reste l'espoir. Le noir, c'est noir. Il nous reste l'espoir. Le noir, c'est noir. Le 21 mars 2014, c'est la promo sur RTL du nouveau film de Claude Lelouch, Salaud on t'aime, avec les deux complices. C'était dans l'émission Laissez-vous tenter. Pourquoi personne avant Claude Lelouch n'avait eu l'idée de vous réunir au cinéma ? Ça paraît insensé. C'est-à-dire qu'on avait fait des propositions, mais qui étaient, je dirais pas malhonnêtes, mais qui étaient assez ridicules. C'est-à-dire que je me souviens que Mocky voulait. C'était pas faire... vraiment utile qu'on non. soit tous les deux dans ce film, dans les films qu'on nous proposait. Oui. Voilà. Oui, bon. Par exemple, je disais Mocky voulait faire Règlement de compte avec Écureuil numéro 2, western italien avec, je sais pas où Johnny faisait White Earp et moi Doc Holliday. Mais j'ai écouté ça attentivement, mais je me suis marré. Je dis c'est pas possible quoi. Non, mais il se trouve que Claude Lelouch nous a donné un scénario qui nous plaisait beaucoup, qui était crédible par rapport à l'amitié qu'on pouvait avoir. Et voilà, et s'il avait été vraiment tout bip dans la vie et moi vraiment photographe, ça serait vraisemblablement peut-être passé comme ça. Ouais. Il fallait trouver un copain à Johnny. C'est pas facile de trouver un copain à Johnny, parce que c'est un homme qui est exigeant et qui a mis la barre très très haute. Alors Eddie et Johnny, ce sont des copains naturels. Donc je me suis servi de cette symbiose qu'il y a entre eux, de cette complicité qui est en même temps une complicité de compétition. Hein. C'est pas, ils se font pas que des mamours. Quand tu les regardes ensemble, constamment, il y en a un des deux qui fait le procès à l'autre. Quoi. Et, tu devrais faire qui, tu devrais faire ça. T'as un compte faire ci, t'as un compte faire ça, que tu vas t'emmerder. Tu vois, donc ce qui est formidable, c'est que c'est des copains qui se lâchent tout, surtout Eddie, tu vois. Alors ce qui est formidable, c'est que Johnny, il aime tout dans la vie. Et Eddie, il aime rien. Il critique tout. Donc je trouvais ça formidable. Donc j'avais d'un côté un mec qui aime tout, et de l'autre côté un mec qui critique tout, qui se fout de tout. Et donc ça crée effectivement des rapports formidables. Et c'est ça l'amitié. C'est une... Encore une fois, c'est comme dans l'amour, c'est une complémentarité. Bon, c'est vrai ce que dit Claude. Enfin, c'est quand même un petit peu fort. C'est un peu fort. Mais... Julien a l'air d'accord pourtant. Mais non, c'est la façon que j'ai raconté qui me fait rire. Non, mais par contre, ce qu'il y a de formidable avec Claude, c'est qu'il n'a pas entièrement tort dans ce qu'il dit d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui vous met en confiance parce que vous arrivez, vous n'aimez pas la montagne, vous l'aimez, montagne le pas rouge. Moi, Johnny et moi, enfin, surtout moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, donc je dis pas que je tire la gueule, mais parce que je suis content d'être là. Mais enfin, j'aimerais mieux être ailleurs, quand même, quoi. Et la bonne humeur de Claude fait que tout devient... On n'est pas dans le monde des bisounours, quand même, mais... où est ton arbre à miel, quoi, un petit peu, quand même, quoi. Parce qu'il est gentil. C'est vrai, sur le tournage, un certain moment, un matin, il faisait très beau, le ciel était bleu, et Claude voulait cette lumière, il dit, c'est magnifique, c'est magnifique. Il dit, venez vite. Et il dit, bon, qu'est-ce que ça de magnifique, ça n'a rien de magnifique. Oui, c'est un ciel bleu, quoi. Puis voilà. Non, mais par contre, il y a eu des moments où le temps changeait, était pas clément, disons, et il faisait pas très beau. Moi, je dis, tiens, on va peut-être pas tourner, enfin, toujours feignant, quoi. Et Claude disait, mais non, c'est formidable, vous profitez de cette lumière, toujours de bonne humeur, toujours de positif, quoi. La scène dont on parlait, cette scène du canapé que Claude a filmée, c'est une idée qui était dans le scénario, ou c'est quelque chose qui s'est improvisé, qui s'est mis en place pendant le tournage? Non, c'était dans le scénario, non, faut pas croire que Claude travaille comme ça. Enfin, non, c'était tellement écrit. Fort. Ah ouais. C'était écrit. Ouais. Quels sont les dessous de cette scène? Il y a un moment particulier où elle a été dure à tourner à... Non, pas dure. Non, parce que... on voulait pas chanter. Alors, ça a été très facile. on était un peu pas anxieux, mais enfin on était un peu sur nos gardes, non, parce que Claude nous dit, bon, vous chantez. Mais Claude, on lui dit, mais attends, lui, il est photographe, moi je suis tout bip. Si on chante comme Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, ça va faire bizarre, quoi. Donc, on s'est retenu, on a fait comme des gens qui regardent le film et qui le connaissent et qui chantonnent avec, quoi. Mais qui chantent aussi bien que Dean Martin. Oh, non, quand même. Non, c'est difficile de chanter aussi bien. J'ai plus besoin de boire. Ma main ne tremble plus. Grâce un peu à cette musique. Jusqu'à ce qu'il joue cette chanson. Toi non plus, t'arrives pas à dormir. Tu sais qu'il y a un au bravo à la télé, c'est pas évident de dormir. Hein. On est où là? Alors là, on en est où Dean Martin et Ricky Nelson vont bientôt chanter ensemble dans la prison. Remporte-la. Personne ne me demande jamais à moi si j'ai... Il y a un problème? Oui, mon problème, c'est toi. À vous deux, vous allez creuser la perte. Oh, tu crois que je vais crever? Écoute, tu fumes comme un pompier, mais t'es en pleine forme. Mais alors, qu'est-ce que t'as été raconter à mes filles? Comment tu sais ça? Un cigare de trop. J'ai surpris une de leurs conversations tout à l'heure. Elles t'ont vu? Non. Bah, écoute, ça fait maintenant 10 ans que t'essaies de rassembler tes filles. Et moi, ça m'a rendu complètement malade de te voir dans cet état pareil. J'ai pas réfléchi. Mais t'es vraiment un malade, toi. Portez quelque chose à votre T'es complètement fou. Elles vont encore plus me détester quand elles vont apprendre la vérité. Elles vont me cracher à la gueule, ouais. Écoute, des malades en stade final, hein, j'en ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes, et qui se sont guéris. Bon, tu peux me faire confiance. Tu peux faire confiance en ma médecine quand même. Putain, quelle misère. Il faut que je crève pour que mes filles répliquent. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, je suis malade ou je suis pas malade? T'es en pleine forme. Tu me jures? D'autres. Crash. Tu fumes comme un pompier et t'es en pleine forme, ça va? Bon. Et comment je vais faire pour m'en sortir avec les filles maintenant? Fallait pas les faire. Ouais. Tu mériterais que je te casse la gueule. Ok. Qui va te soigner après, hein? Tu sais ce que c'est qu'un ami? Ouais. C'est quelqu'un qui te connaît très bien et qui t'aime quand même. Et pourquoi tu m'aimes quand même? Mais, parce que quand t'es derrière un appareil photo, t'as l'air moins con que d'habitude, voilà. 6 mois après le décès de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell est sur le plateau de Salut les Terriens de Thierry Ardisson le 2 juin 2018. Eddie raconte qu'il rêve de Johnny. Eddie Mitchell, bonsoir. Alors Eddie, votre attaché de presse m'a demandé... Oui. De ne pas vous parler du testament de Johnny Hallyday, c'était pas prévu, rassurez-vous. Voilà. Je voulais vous parler juste du vôtre, en fait. Oui. Je crois que vous avez eu la bonne idée de tout laisser à Laetitia. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Je pense faire la même chose aussi. En revanche, on peut parler de celui que vous appeliez votre frère, donc. Oui. Vous racontez que vous rêvez de lui. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Et Eddie Mitchell, qui rêve de Johnny Hallyday, je dois dire. C'est bon. C'est ultimate, ça, hein, d'accord. Alors ça se passe à Saint-Tropez. Johnny Hallyday propose à Eddie Mitchell d'aller à un bal masqué avec lui, un bal costumé. Johnny est habillé en mousquetaire et il dit à Eddie Mitchell, dans le rêve, hein, j'ai le même costume pour toi. Et à ce moment-là, le rêve s'arrête. Dick Rivers rentre. Évidemment, Eddie Mitchell s'engueule avec lui. Je ne crois pas que je m'habillais comme ça quand même, espèce de connard. Je vais pas mettre ton chapeau à plume. C'est extraordinaire de rêver. Oui, oui, bah, ça arrive, hein, ce genre de choses. Mais dites-moi, Eddie, ouais. Si ça avait été en cow-boy, vous auriez accepté? Oui, oui, on l'a déjà fait, ça, tous les deux. Ça va. Ouais. Il faut passer à autre chose. D'accord. Mais quand vous rêvez de Johnny Hallyday, est-ce que vous vous réveillez avec la gueule de bois? Non, parce que lui était beaucoup plus facile à déglinguer que moi. Ah ouais. Donc, je le couchais. Ah ouais. En tous les cas, Je ne sais pas ce que vous avez bu, mais vous êtes toujours en forme. Vous avez vraiment le plaisir de vous voir. Alors, vous dites la tournée Vieille Canaille a fait du bien à Johnny. Mmh. Je me souviens d'une soirée formidable au restaurant à Clermont-Ferrand. On a chanté a cappella toutes nos mauvaises chansons. Oui. On a retrouvé un document où vous chantez vos mauvaises chansons avec lui. On regarde. Oui. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Mais okay. C'est quoi Thomas, je suis mordu. Parce que c'était un texte extraordinaire. Mais c'est quoi, Volage ? C'est mon histoire, je vous l'avoue, les cœurs. Ouh. Un jour, une fille m'a rendu fou. Ouh. Elle prit mon cœur et s'en alla. Ouh. Donner le sien à d'autres gars. Bon, est-ce que ce soir-là, à Clermont-Ferrand, Johnny a chanté Optique 2000 ? Non. Ah non. Alors, il y avait aussi des jours où, avec Johnny Hallyday, vous chantiez des bonnes chansons. On regarde. Eddie Mitchell écrit en collaboration de son fils Eddie Moine le dictionnaire de ma vie. En octobre 2020, Johnny en fait la promo sur RTL. Nous sommes toujours en compagnie d'Eddie Mitchell qui signe avec son fils Eddie Moine le dictionnaire de ma vie qui paraît aux éditions Kero. À la lettre J, on trouve Johnny évidemment. 59 ans d'amitié, écrivez-vous. J'ai toujours considéré Johnny comme un membre de ma famille et je pense souvent à lui. Bon, pour tout vous dire, ça m'a ému quand j'ai lu ça. Et il est présent, quoi. Enfin, c'est expliquez-nous. Oui, il a toujours été très présent dans ma vie, et puis je crois que j'étais également dans la sienne, parce qu'on s'est jamais fâché, hein, tant d'années, ou alors des bêtises, mais je veux dire, pas des vraies fâcheries, et il s'est toujours très très bien comporté, que ce soit avec moi, avec ma famille, etc., tout comme je me suis très bien comporté envers la sienne. Sur scène, j'arrive avec des chaussures bien cirées, un costume propre et je chante mes petites chansons, écrivez-vous. Johnny, lui, se jette littéralement par la fenêtre à chacun de ses spectacles. Quand vous a-t-il le plus impressionné, Eddie Mitchell? Quand il a balancé la guitare m'avait demandé d'acheter à Nashville, où j'étais à Nashville pour enregistrer. Il m'a pas même dit, il y a un luthier formidable à Nashville, ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Donc il faut que tu me commandes cette guitare, etc., qui coûtait quand même 40 000 $ la guitare à l'époque. Hein. Oui. Et donc je vais chez le luthier, j'étais là pour 3 semaines, je lui demande s'il a le tome, il dit oui. Donc je passe la commande, je fais une avance, puis voilà. Et à la fin je reviens. Et le luthier me tend l'instrument, je paye. Et il me dit, vous l'essayez pas? Il était fou de rage, le mec. Je dis, mais moi, je joue pas de guitare, moi, je suis pour un pote. Donc, je donne la guitare à Johnny. Johnny l'a gardé peut-être 2 jours. Il faisait le zénith. Il chantait. Puis, d'un seul coup, il en avait marre, il l'a balancé dans le public. Bon, c'est formidable. C'est tout Johnny craché, ça, mais. Pour se faire rembourser, par contre, c'était plus dur. Alors, il y a aussi des révélations dans ce dictionnaire de ma vie. On en trouve une assez cocasse à propos de la création des Vieilles Canailles. T'es content quand tu seras mort, vieille canaille, ouais. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Je serai bien de descendre. Je serais content d'avoir vos beaux vieux chameaux. Voici reçu après les ouverts, ces vieilles canailles. Alors, Eddie Mitchell, qui était initialement pressenti à la place de Johnny Hallyday? Alors, c'était une idée du producteur qui a monté ce spectacle, en quelque sorte. C'était Valérie Zetoun, qui m'avait proposé Aznavour et Sardou. Et Aznavour, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais je ne vois pas tout au moins Aznavour chanter mes chansons, alors que moi je peux chanter les siennes, c'est sûr. Oui, oui. À qui on propose à la place d'Aznavour? Alors on propose Julio Iglesias. Incroyable. Voilà, bon, et là... Là, je dis, bah oui, il a de très jolies dents. Il fallait avoir resté sans voix, pour le coup. Oui, pour le coup, je reste étonné. Je dis, mais je vois pas ce qu'on va chanter ensemble. Quoi. Je dis, j'aime beaucoup l'artiste, et il a de jolies dents, il chante pas mal. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. On retrouve Junaïd et Eddy Mitchell lors d'une émission Palmarès, dans les années 80, 1980 exactement. spéciale émission Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur leur amitié de 60 ans. Quand Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, Eddie Mitchell perd plus qu'un compagnon de scène ou un collègue de longue date. Il perd un frère d'âme, un complice de tous les instants. Les hommages d'Eddie sont au son d'une pudeur émouvante, marquée par la nostalgie des instants partagés et la certitude que rien n'efface une amitié vraie. Belle voix, mais taiseux. À bientôt 80 ans, Eddie Mitchell dépasse enfin sa légendaire pudeur pour écrire une chanson à son ami Johnny, disparu il y a 4 ans. Ce soir, il accepte de lever le voile sur leur relation jusqu'au dernier mois, jusqu'à l'ultime rendez-vous. Eddie se confie sur Johnny, son frère. Il m'appelait à n'importe quelle heure du jour de la journée, surtout de la nuit d'ailleurs. Et nous, on avait une relation qui était vraiment plus qu'amie, qui était presque fraternelle. Parrain de ma petite dernière, qui est Pamela, et moi j'étais le parrain de Laura. Vos familles sont toujours aussi proches ? Ah oui, toujours. Ouais. Toujours, je vois Laura régulièrement, on s'appelle, je suis d'accord avec son bébé, il me dit rien du tout, mais c'est bien. 60 ans d'amitié, c'est rare. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. L'amour du rock'n'roll, c'est ce qui vous unissait avant tout. Oui, oui, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Lors d'une surprise partie, où j'avais amené des disques, lui aussi j'imagine, j'avais 16 ans, lui en avait 15, quelque chose comme ça. Je veux récupérer mes disques et il n'y en a plus. Il n'y a plus de disques. Hein. Et je m'en vais et je descends et dans la loge de la concierge, je vois notre camarade Johnny en train de confier mes disques à cette concierge en disant je passerai les prendre demain. Et là, j'ai dit, bon, ça ne s'est pas bien passé. Donc on a eu un petit clash. Jusqu'à la fin, vous en parlerez de cette première surprise partie, jusque sur la tournée des Vieilles Canailles. Oui. Tiens, je vais te stérer en tes disques. Ah, merci. Tout d'abord, il y a Elvis. Hein. Little Richard. Vous vous en amusiez de cette si longue amitié ? Oh, bien sûr. Vous en étiez fier ? Ah oui. Oui, oui, j'en étais fier. Oui, oui. Oui, parce que sans le vouloir, on est devenus des gens importants aux yeux du public. Lui, surtout, parce que lui en faisait 100 tonnes de plus que moi. Et donc, c'était drôle, tous les deux. Vous qui l'avez connu intimement, vous le définiriez comment ? Grand, grand charmeur. Grand charmeur et grand, grand envoûteur, même, parce que il avait cette force. Envoûteur, voilà, c'est le terme. Pas mal, non ? C'est pas mal. Vous plaît, ça ? C'est... Ah ben, gardez-le. Johnny, vous lui faisiez pas mal de reproches, hein ? Bon, les reproches, c'est couche-toi un peu plus tôt ou à moi, voilà. Il vous écoutait pas ? Ah non. Non, il n'écoutait personne, de toute façon. Il a vécu comme il l'entendait. On le savait très malade lors de l'ultime tournée avec Dutronc, des Vieilles Canailles. Comment avez-vous vécu ces moments-là ? Lui, il les a vécus d'une façon absolument extraordinaire, dans la mesure où il se surpassait, parce qu'il était soigné jour après jour avec une pléiade de toubibs qui l'entouraient. Et Jacques et moi, on était là pour l'aider, pour l'aider en scène, quoi. Mais il nous a des farces, puisqu'un soir, il vient me voir, il me fait à l'oreille, il faut que je sorte. Ah bon. Donc on est inquiet. Puis il est sorti parce qu'il était malade, mais pas malade de son cancer. Parce qu'il avait mangé 8 boudins créoles avant d'entrer en scène. Donc effectivement, quand on va chanter, on ne mange pas de boudins créoles avant. Certainement avant, pas 8, en tout cas. Et donc pas 8, non. Donc voilà. Eh bien, c'était un costaud. Hein. Il faisait la chimio l'après-midi et le soir, il était sur scène. Donc, c'est incroyable. Ouais. Une force extraordinaire. Ah ! Faut que je vous dise quand même qu'entre Johnny et moi, c'est une vieille amitié. Mais pourtant, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, ça n'a pas été le coup de foudre. On ne t'a pas encore raconté ça. Mais si ! Mais tu t'es la raconter si. Tous les soirs. Mais si. Car nous étions en surprise partie, nous étions donc très jeunes, et j'avais amené des disques formidables. Eh bien, à l'issue de cette surprise partie, quand j'ai voulu récupérer mes disques, Monsieur Johnny me les avait volés. Oui. Oui, oui, c'est pas beau, c'est pas beau. Travailler non plus, je sais, d'après le lendemain, enfin, ça c'est autre chose. Et c'était des disques très importants, car il y avait des Presley, Bill Haley, Gene Vincent, vous vous rendez compte, Gene Vincent, et surtout, Lonnie Donegan. Vous connaissez Lonnie Donegan ? Eh bien, à la demande générale... Non, car ce qu'il faut qu'on vous explique, c'est que Johnny et moi, plus tard, quelques temps après, sommes devenus vraiment très amis et on chantait ensemble des chansons de Lonnie Donegan, dont celle-ci qu'on aime particulièrement. Voilà. Pour vous, ce soir. Lonnie Donegan sent me later. Lui ont fait du bien. Je pense, oui, parce que je me souviens d'un soir où j'avais retenu un restaurant et à la fin du repas, on a chanté ensemble a cappella toutes les mauvaises chansons qu'on a pu faire. Il y en a. Et donc, lui chantait « Ça remue dans tout mon corps, j'ai cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Oh. » Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat, je suis un type foutu, je m'en remue. C'est pas mal ça, non? Ouais. Ça y est, fait un bien fou. Ça, c'est l'une de vos dernières soirées? Oui. Quand avez-vous vu Johnny pour la dernière fois? Deux, trois jours avant qu'il meure. Voilà. Et l'entourage de Johnny ne vous a pas empêché de le voir? Non. Vous y êtes tous les deux? Mmh. Non, non, moi... Non, j'ai jamais eu de contraintes au niveau de la famille. Mmh. Entre guillemets. De quoi avez-vous parlé? Tous les deux? Oui, on regardait un film et... On parlait de rien du tout. Non, on parlait pas. On parlait pas, il avait envie de regarder un film en même temps de se coucher, de dormir, de se reposer. Il n'avait pas la force et moi j'avais pas envie de l'emmerder. Donc j'avais envie de foutre la paix, de le laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on dit à son ami, à son frère, donc, quand on sait que le temps est compté? Est-ce qu'on lui dit plus qu'on l'aime, par exemple? Mais ça, il le sait. Il le sait, donc si on est là, c'est qu'on l'aime. Pas besoin de le dire, parce que ça, c'est du trop. Ça, c'est du roman de gare, ça. Est-ce que vous le sentiez inquiet pour la suite, la succession? Non, absolument pas. Absolument pas. Je crois qu'il s'en foutait cordialement. Parce qu'il avait un autre problème, c'était sa survie. Mmh. Alors, derrière lui, au revoir. Il l'a prouvé, d'ailleurs. Et sa mémoire, aujourd'hui, mise en scène par Laetitia, les albums posthumes... Rien à foutre. Le concert hommage ça à Paris. Ça ne m'intéresse pas du tout. La statue. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais rien du tout ne m'intéresse. Voilà. Non, c'est pas pour moi, ça. Ça vous dérange? Ça me dérange même pas. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Parce que bientôt, ils le mettront avec, je sais pas moi, avec une plume dans le cul, accrochée n'importe où. Je m'en fous. Je trouve ça même assez morbide, voilà. Johnny s'est éteint à 74 ans après avoir brûlé la vie par les deux bouts, on le disait. Vous, vous en avez 79, bientôt 80. Ça fait quel effet? Ça fait pas plaisir. Non, non, non. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, enfin bref, c'est pas rassurant. C'est la, comme disait Michel Audiard, c'est la pente dégoulinante. C'est pas joli, mais c'est comme s'amuser du vélo, il faut dire. Dans votre album, vous parlez de la mort, de la faucheuse qui viendra bien. Oui. Vous avez l'air assez serein. Oui, bah oui, ça, on sait qu'elle arrive. Hein. Oui, vous avez le droit de discuter avec elle, quand même, je crois. Laisse-moi un répit, fais-moi un petit truc. Enfin, peut-être, non? Croyez pas? Je sais pas, vous croyez, hein? Moi, j'essaye. Au cimetière des éléphants, il paraît que vous avez imaginé votre épitaphe. Oui, j'ai mis « Ne me dérangez pas », voilà. Parce que j'aime pas être dérangé, donc il n'y a aucune raison qu'après ma mort, on vienne encore m'emmerder, voilà. En 2021, Eddie Mitchell écrit une chanson dédiée à son ami disparu trop tôt, malgré tous ses reproches. Un petit peu d'amour, voici Eddie au micro de France Info. Aujourd'hui, vous sortez un nouveau single qui s'appelle « Un petit peu d'amour ». C'est un hommage à votre ami Johnny Hallyday. C'est vrai que pendant plus de 60 ans, jusqu'à la mort d'ailleurs du rocker, les deux vieilles canailles que vous étiez sont restées inséparables. Il fallait du temps, Eddie Mitchell, pour trouver les mots justes. Oui, et puis trouver surtout la musique. Parce que, comme vous le savez peut-être, moi je ne... J'écris pas, je veux dire, sans musique. Mais vous les interprétez, ces mots, donc oui, il fallait qu'ils soient justes. Bien sûr, mais quand j'ai entendu la musique qu'avait fait Pierre Papadiamandis, j'ai immédiatement pensé à Johnny. Bon, donc j'ai écrit ce texte qui, j'espère, vous plaît. Voilà. c'est un texte qui en dit long aussi sur la pudeur que vous avez toujours respecté finalement dans ce parcours et puis sur cette amitié qui est incroyable. Vous dites des mots très forts, hein. Vous dites pour moi t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie, à quoi bon remuer le passé? Bah oui, parce que c'est la vérité. On s'est connus, il avait 15 ans je crois et moi 16, donc et on s'est jamais brouillé, on s'est jamais quitté, on s'est toujours vu, on s'est toujours aimé, on s'est toujours bien entendu, on a toujours fait les cons ensemble, on a toujours dîné, déjeuné, on a partagé nos familles, puisque je suis parrain de Laura, il était parrain de Pamela, ma toute dernière, qui va bientôt avoir 40 ans d'ailleurs. Et voilà, donc il fait partie de ma vie, c'est vrai. Ce qui est assez fort d'ailleurs, et vraiment ce qu'on ressent dans ce titre, c'est qu'effectivement, vous étiez inséparables. Alors que finalement, vous gardiez ça pour vous, cette amitié. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous séparer à un moment. Enfin, ça remonte à des années. D'ailleurs, quand on, on était soi-disant rivaux. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Et lui chantait à Toulon et moi j'ai chanté dans un bled à côté. Et on s'était dit, bon, on va se retrouver pour dîner. Et il y avait des journalistes qui étaient là qui revenaient pas. Qui revenaient pas de nous voir ensemble en train de se marrer. Mais, ah bon, vous aimez, vous connaissez? Ben oui, on se connaît bien. Comment vous le définiriez, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, avec vos mots à vous? Ah, ben c'est un vrai battant. Un vrai, vrai, vrai battant. Et qui n'avait pas peur de quoi que ce soit et qui essayait toujours, ce que j'explique d'ailleurs un peu dans la chanson, de se surpasser tout le temps. De tout le temps faire plus, plus, plus, plus. Vous dites, t'as brûlé ta vie. Oui, ah bah oui. Au petit matin, en nuit blanche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme si c'était un reproche, en fait. Mais un reproche, oui, c'est un reproche parce qu'il en est mort. Parce que il ne l'a pas survécu à sa vie, voilà. C'est en ça que je lui en veux, d'ailleurs. C'est en ça que je lui fais des reproches, oui. Là, ça fait 4 ans qu'il nous a quittés. Oui. 4 ans déjà. Je sais que vous y pensez tout le temps. Oui, parce qu'il me manque. Ben oui. On accepte l'absence. On accepte l'absence, mais pas les conditions. C'est-à-dire que s'il est parti, c'est de sa faute. Voilà. Et ça m'énerve. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, alors? Parce que vous lui dites beaucoup de choses à travers ce titre. Je le dis dans la chanson. Voilà. J'ai tout dit dans la chanson. Voici la chanson, un petit peu d'amour. Juste avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps étaient dopés. Tu voyais tout sous un nouveau jour, sur le simple fait d'être aimé. Mais recevoir, c'est savoir donner. Rester humble puis se sacrifier. Découvrir que la trahison débute par l'amour ou l'amitié. Mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Avec un petit peu d'amour, tu croyais pouvoir être sauvé. Idole, icône, aimée, adulée, t'as tout connu, tout traversé. Juste avec un petit peu d'amour, être adoré, parfois se tromper. Découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. Mais c'est pas faute de ne pas t'avoir prévenu. T'as rien écouté, t'as voulu toujours te surpasser. Éprouver que t'étais un demi-dieu, un héros de la rue, invincible, un guerrier. T'as rêvé, mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi t'étais plus qu'un ami, à demi-frère presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Avec un peu d'amour, juste un peu d'amour. L'amitié de 60 ans entre Johnny Hallyday et Eddie Mitchell illustre avec éclat que le véritable lien, forgé dans la complicité et le respect, résiste à toutes les épreuves. Leur duo symbolise une page unique de la chanson française, une histoire de passion, de fidélité et de liberté dont les échos continuent de résonner dans le cœur du public. Ils ont prouvé, chacun à leur manière, que la plus belle des aventures, même sous les projecteurs, reste celle de l'amitié sincère, indéfectible et éternellement rock'n'roll. En témoigne leur dernier duo studio, C'est un rocker, en 2017. Alors, C'est un rocker, là, c'est le duo avec Johnny. C'est évident. C'est totalement évident, et en même temps, c'est là, je frissonne un peu en y pensant, parce que c'est terrible. On vous retrouve tous les deux là-bas, avec une voix et une façon d'interpréter cette chanson qui est juste fabuleuse et fantastique. Il devait y avoir une senteur, une couleur un peu différente quand vous l'avez enregistrée avec lui, non? Bah oui, parce que déjà on l'a pas faite de la même façon que j'avais enregistré précédemment. Il y a pas l'intro de guitare à la Chuck Berry, il y a pas tout cela. Et quand j'ai demandé, c'est pour ça qu'à la fin je le remercie pour la chanson. C'est un des tout premiers qu'on a enregistré, c'était au mois d'avril et j'étais donc à Los Angeles où je faisais on enregistrait les rythmiques et les cuivres. Et comme il était là, je l'appelle et je lui dis, écoute, si tu veux, puisqu'on au lieu de attendre que tu sois à Paris pour faire ta voix, si tu veux, tu viens. Moi, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'étais à Burbank et lui à Palisade. Et quand on connaît un peu Los Angeles, si vous connaissez, il y a à peu près 2 heures de route. Ouais. Et donc, vous avez fait quoi? Donc, il a fait 4 heures de route et il a fait un quart d'heure de studio. Donc, merci, Johnny. Ouais. Tu sais, parfois, la vie m'en réserve des choses drôles. Les gens oublient, puis redécouvrent le rock'n'roll. Et si je chante l'amour, ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi, c'est un rock. Ah, c'est un roll. Pourtant dans leur cœur, il y a aussi le moqueur. Avec ses wap tout wap, qui a touché dans ma tête, il chantait près de moi, c'est un rock. Il est roller. L'avenir, le passé ne peuvent pas me changer. Les chanteurs de cadence, sexeuses hésitants, me regardant chanter, disent d'un air horrifié, c'est un rock. C'est un roller. Quelle brutalité dans ses pantalons, c'est... Si je bois dans un bar 3 ou 10 verres de trop, quelqu'un tue une bagarre, les gens crient aussitôt, c'est un rocker. C'est un voleur. Si l'on ne vit pas comme eux, les bourgeois deviennent hargneux. Si je traverse la rue en négligeant le bras du flic près du feu, les gens disent de moi, c'est un rocker. C'est un roller. Il n'a aucun respect pour les gardiens de la paix. Dans un dîner de soir, qu'importe ma tenue, les snobs diront de moi, c'est un rock. C'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger. Les faux intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire de moi, c'est un rock. C'est un roller. chasseurs de fric, les escrocs promoteurs me pendent les grands sourires. Je reste de grand tireur, je suis rocker. Je suis un roller. Je chante ce que je veux à l'instant où je le veux. Dernière conférence de presse et dernier tour de chant pour Johnny Hallyday en 2017 avec les Vieilles Canailles, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Jean-Baptiste Tuzet de Kroneur Radio, Paris, Nice, Monaco. Eddie nous connaît déjà. Je voulais d'abord vous remercier au nom de tous mes camarades. Vous, depuis des années, vous nous faites rêver. Depuis des années, vous nous apportez du plaisir. Merci à tous. Je voudrais que vous nous parliez tous les trois. Des rois de l'entertainment, des crooners que vous aimez. Ça, c'est une autre partie de votre culture. On connaît celle d'Eddie, mais on connaît moins celle, la vôtre, Johnny, et celle de Jacques. Alors, Tony Bennett, Tom Jones, Sinatra. Oui, Tony Bennett, Tom Jones. Moi, j'ai surtout été marqué par Elvis, parce que Elvis était un chanteur hors norme, et que c'était un crooner, quelque part, même en étant un chanteur de rock'n'roll. C'est le rock'n'roll qui l'a lancé, mais c'était surtout une superbe voix et c'était un crooner formidable. D'ailleurs, j'avais rencontré sa femme à Los Angeles et qui m'avait dit son rêve à lui, ça aurait été d'être chanteur d'opéra. Je suis un chanteur d'apéro. Non, mais bon, c'est différent. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Jacques Dutronc. Non, mais je veux dire, je m'appelle pas Eddie Mitchell ni Tony Hallyday. Non, mais j'ai la même influence, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai entendu le nom de Tony Bennett, qui est alors, excellent, je veux dire. Sinatra, c'est trop facile, mais Tony Bennett, c'était excellent, ça. Je suis pas fou, moi, de Tony Bennett. Non, bon, non. Il était fou. Non, je ne suis pas encore fou, mieux. Je dis le Tony Bennett, chanteur à moumoute, machin. Ah, maintenant, peut-être, mais non, c'était non, fort. Non, mais enfin, hein. Il en fait 30 tonnes, je trouve. Enfin, bon, ça me regarde. Hein. C'est son fils qui le dirige maintenant, c'est peut-être pour ça. Mais... Ah bon? Non, mais Sinatra, bien sûr. Bah, ouais, Sinatra. Il n'y a rien à dire. Et Dean Martin, surtout. Dean Martin, Nat King Cole. Oui, et Sammy Davis. Oui. Ouais, Sammy Davis, pareil. C'est comme moi, j'ai la chance quand même de chanter avec Sammy Davis. Oui, t'as chanté avec Sammy Davis. Bon, ben, on va pas en faire un. C'est pas. Ouais, bon, t'as chanté avec Sammy Davis, à Galvo, même d'ailleurs. Non, mais j'étais très content. Bah, bon. Oui, bah, je comprends. C'est pas la peine de nous éclabousser de ton savoir. Alors. Sois content quand tu seras mort, vieux canaille, ouais. Vieille canaille, tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Je serais content d'avoir vos beaux vieux chameaux. Moi, je t'ai reçu à bras ouverts, ces vieilles canailles. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. T'as brûlé tous mes tapis. Mais t'as même fumé dans mon lit. Et t'as sifflé tout mon whisky, vieux bandit. Puis j'ai présenté ma femme, vieille canaille. Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu lui as fait du baratin. Tu l'embrassais dans mes coins. Dès que j'avais tourné le dos, vieux chameau. Je suis parti avec elle, vieille canaille. Oui, je suis parti avec elle, tu sais, vieille canaille. en apportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, m'éblouerait mon magnéto, du chameau, salaud, toutes ces sortes de choses là. Johnny a disparu en 2017 à l'âge de 74 ans et aujourd'hui, actuellement en 2025, Eddie Mitchell a 83 ans. Johnny et Eddie, 60 ans d'amitié. Ainsi s'achève cette émission de la rentrée, la première émission de la rentrée de la saison 2025-2026 sur RG. C'est l'émission Johnny de A à Z. Parlez-en autour de vous. Comme quoi, il y a une émission hebdomadaire tous les mercredis, donc de 22h jusqu'à minuit ou plus. Mais voilà, donc c'était la 583e avec une spéciale Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, leur amitié de 60 ans. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez réécouter l'émission, vous avez le podcast qui sera disponible dès demain. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.